Chapitre 6e. Henri Castex. Dutilleul grimpa rapidement les deux étages qui le séparaient de celui-ci. Il s'était muni de la fameuse feuille de frais. Il frappa discrètement à une voix un peu rauque. Castex, en tête à fumer malgré l'état préoccupant de ses bronches, lui répondit. « Entre, Titi, entre. Justement, tu tombes bien, » dit Castex, sans lever les yeux du document qu'il était en train de lire. « J'ai appris que tu es allé à Fleury et que tu as vu... » Dutilleul se garda bien de répondre. Si Castex prenait un peu de temps, c'est que quelque chose posait problème dans le rapport qu'il était en train de lire. « Quelle écriture épouvantable !» s'exclama Castex en levant pour la première fois le nez du document. Il retira précautionneusement ses lunettes et se mit à les essuyer avec application. Dutilleul pressentit que ce ne serait pas la seule fois de l'entretien. Castex remit ses lunettes en place et considéra attentivement Dutilleul. Je disais donc que tu es allé à Fleury et que tu as vu le sieur Boucharif. D'autre part, j'ai sous les yeux le rapport de notre ami Gravard concernant le meurtre de Marion Chardy. Or, je ne suis pas sans savoir qu'il y avait comme un sentiment entre le sieur Boucharif et cette bien jolie demoiselle. Peux-tu me confirmer ce fait ? Sans trahir aucun secret, je le peux. Peux-tu également me confirmer que le sieur Boucharif n'a rien à voir, de près ou de loin, avec cette vilaine affaire ? Il est le premier à vouloir connaître la vérité. Là, Titi reconnaît que tu ne réponds pas exactement à ma question. Eh bien, je ne crois pas m'avancer beaucoup si je te réponds qu'il n'a strictement rien à y voir. Au moment du meurtre, il était en prison pour une toute autre affaire. Un stupide vol de scooter. Fouchard lui en a collé pour 4 mois ferme. Un point pour lui, mais loin de moi l'idée de vouloir te contredire. Il aurait pu faire le sale boulot par un tiers. Pas le genre de la maison. Malik Boucharif a toujours assumé ses actes. C'est d'ailleurs cette franchise constante dans nos rapports passés qui m'a poussé à aller le voir à Fleury. Comprends-moi bien, Henri. Ce gamin ne nous a jamais menti. Henri Castex considère alors Dutilleul avec une satisfaction certaine. Alors tu me confortes dans ma décision. Tu reprends l'affaire Marion Chardy. J'ai vu cela en direct avec le juge Richaud et quant à Gravard, il n'est que trop heureux de se débarrasser d'une enquête dont il ne savait que faire. Je sais que beaucoup de temps a été perdu, mais j'ai confiance en toi. Ne retiens qu'une chose, je veux l'assassin. Fais-toi communiquer le dossier ainsi que les photos. Tu verras, tu comprendras. Ce n'est pas une affaire personnelle, mais presque. Je n'accepterai jamais que l'on massacre une gamine de cette façon. Voici les notes de Gravard, mais autant te le lire tout de suite, c'est une vraie migraine à déchiffrer. Dutilleul regarde alors son chef avec la plus grande stupéfaction. Alors, toi aussi. Castex le considéra, surpris. Comment cela, moi aussi? C'est exactement la mission que m'a confiée Boucharif. Castex eut un petit sourire. Missionner des deux côtés de la barrière? On atteint rarement ce niveau de consensus. Au fait, qu'avait-il de si important à te dire? Tu sais, l'entretien a été assez long. Il a ouvert un certain nombre de pistes. À elle seule, l'histoire de la mère de Marion Chardy sort de l'ordinaire. Abandonnée à 5 ans dans un jardin public. Henri Castex sembla soudain comme figé. Ne m'en dis pas plus. La gamine du jardin du Luxembourg, tu parles si je m'en souviens. Quoi? Tu connais l'histoire? Elle est donc vraie? Je ne connais pas le détail. Mais je peux t'assurer qu'elle est vraie et qu'elle a marqué. Tu n'as pas connu Chauvet, mais il en parlait souvent de cette gamine tombée du ciel un jour de juillet 68. Pourtant, il ne s'est pas occupé directement de la petite. C'est l'inspecteur Simon qui a été chargé de l'affaire. Un cas difficile, tu peux me croire. Pas l'ombre d'un début de piste. Je peux sans doute lui rendre une petite visite. J'allais vivement te le conseiller. J'ai eu l'occasion de le croiser. C'était un bon flic. Un peu plus âgé que moi. Appelle Chauvet pour avoir ses coordonnées. Mais il ne me semble pas qu'il ait quitté la région parisienne. Il a pris sa retraite il y a 2 ans. Très bien, je prends contact le plus tôt possible et je me fais communiquer le dossier de Marion Chardy. Soudain, Castex parut ennuyé. Tu verras, il n'y a vraiment pas grand-chose. Je crois que tu vas devoir repartir à zéro. Bon, ne t'inquiète pas pour cela, j'ai l'habitude. Tu connais Gravard, comme moi. Oh, je ne lui fais aucun reproche. Je trouve simplement curieux qu'on lui ait confié une enquête si peu en rapport avec ses compétences. C'est un peu comme si l'on demandait à un chien de jouer du piano. Peut-on savoir de qui émane cette brillante idée ? Je ne devrais pas te le dire, mais c'est le juge Sorbino. Il semble qu'il ait quelques problèmes conjugaux en ce moment et ses décisions s'en ressentent. Eh bien, espérons seulement que cela va s'arranger, car je le classais plutôt dans la catégorie des compétents. Nous le souhaitons tous. J'espère seulement que nous n'avons pas trop perdu de temps. Je ne sais pas pourquoi, mais je pressens que cette enquête sera difficile. Alors ménage-toi, veux-tu ? Dutilleul regarda Castex en souriant. « Venant de toi. »« Je sais, cela manque pas de sel, sauf que cette fois je suis sérieux. »« Je sais que nous sommes tous deux d'incorrigibles bosseurs et que rien ne nous excite plus que de partir en chasse. »« Mais j'ai appris à mes dépens que l'on a ses propres limites. »« Crois-moi, quand tu te prends une balle dans le buffet, tu ne vois plus les choses tout à fait de la même façon. » Dutilleul sourit tristement. « Il est vrai que sur ce chapitre, tu as eu largement ta part. » « Oh, je ne pleure pas. Dans le feu de l'action, j'ai oublié une règle fondamentale. Toujours assurer ses arrières. » J'ai fait l'erreur de m'en remettre à des réflexes qui jusque-là ne m'avaient jamais trahi, et j'ai perdu. J'ai refusé de me faire couvrir par une seconde équipe. J'ai joué au con. Je ne veux pas te voir commettre la même erreur, Titi, pas toi. Je n'aurai pas assez du reste de ma vie pour me le reprocher. Tu sais, Henri, si cela peut te consoler, je suis un piètre tireur. Mes exercices de tir ne sont pas à jour. Michaud me tanne pour que j'aille au stand, mais jusqu'à présent, j'ai trouvé toutes les excuses possibles pour ne pas m'y rendre. Castex eut un sourire complice. Je suis au courant. D'ailleurs, il faudra qu'on en cause un jour, toi et moi. Sérieusement, n'hésite pas à me demander de l'aide, et peu importe ce que cela coûtera. J'espère ne pas devoir en arriver là. C'est ce que je me disais aussi. Je pensais que l'affaire Nico ne serait qu'une affaire de plus. En apparence, elle paraissait si banale. Un malfrat, la petite semaine. Combien en avais-je serré auparavant? Tu conviendras avec moi qu'il est pratiquement impossible de compter. Tout cela aurait dû se régler en douceur. Au lieu de ça... Je sais, Henri, mais réellement, qui pouvait détecter le piège? Je me suis fait communiquer une copie du dossier. Je l'ai étudié, point par point. J'ai alors abouti aux mêmes conclusions que toi, parce que tout comme toi, je n'avais aucune raison de m'interroger sur la véracité des éléments transmis. Où tu as joué de malchance, c'est que certaines informations capitales, et mettant directement en jeu ta sécurité, étaient fausses. Contrairement à ce qui était rapporté, les vérifications préliminaires n'avaient pas été menées convenablement. Le fonctionnaire affecté à cette tâche, dont je préfère oublier le nom, avait alors mieux à faire. Henri Castex prit un air accablé. J'aurais dû tout vérifier, Titi. C'est la base même du métier, ne jamais faire confiance, se reposer intégralement sur autrui. Dis-moi, où aurais-tu trouvé le temps? Tu bossais déjà 24 heures sur 24. Tu reconnaissais toi-même que Janine était une sainte. Combien de fois tu dormis dans ton lit pendant cette période? Tu avais un lit de camp dans un recoin de ton bureau, et tu allais faire ta toilette à l'hôtel en face. Combien de fois t'ai-je surpris alors que tu étais en train de te raser? Sérieusement, Henri, tu aurais du mal à en faire beaucoup plus. Au fait, qu'est-ce qu'est devenu cet individu de sinistre mémoire? Tu sais comme moi qu'il était protégé. Papa avait le bras très long. Puis, je n'étais pas vraiment en état d'attaquer qui que ce soit. Circuler, il n'y a rien à voir. C'était à peu près cela. Le dossier a été détruit et tout le monde est retourné à ses petites affaires. Sauf toi, qui endurais le martyr, ainsi que toi et Bellegarde, qui ne m'avait jamais lâché. Dis, nous aurions quand même eu mauvaise grâce à le faire. Cela n'en a pas gêné beaucoup d'autres. Sais-tu qui j'ai croisé la semaine dernière? Rien de moins que Galanta. Dis donc, cela faisait une paye qu'il n'avait pas montré le bout de son nez, celui-là. Qu'est-ce qu'il venait faire? Figure-toi que je n'ai pas eu le temps de lui demander, car soudain il m'a paru bien pressé. Quand je pense que c'est moi qui l'ai formé. Bon, ne sois pas amer. Je suis content de te retrouver. Tu verras, nous allons faire du bon boulot ensemble. À présent, si tu veux bien poser ton paraphe sur ceci. Dutilleul tendit à Castex la note de frais concernant les biscuits, et celui-ci se mit à rire. c'est une plaisanterie. Ta secrétaire te nourrit à présent. Ne me dis pas que tu n'as même plus le temps d'aller faire tes courses. Sommes-nous tombés si bas? Rassure-toi, j'ai une petite main très compétente qui se charge de régler ses contingences. Mais cela n'empêche pas ma nounou de prendre des initiatives personnelles. Toi alors, répondit Castex en riant. Connaissant ton esprit parfois tordu, ne te défends pas. Je parie que c'est un test. Tu veux voir que maintenant la comptabilité m'aidera à réagir. Ce que j'ai toujours aimé avec toi, c'est qu'on n'a pas besoin de t'expliquer longtemps. Blague à part, tu comptes te mettre quand sur le dossier Chardy? J'ai quelques bricoles à finir, et j'aimerais assez entendre Simon. Abandonner une gamine de 5 ans au Luxembourg, tu m'avoueras tout de même que ça n'est pas banal.